إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، mes très chers frères, on va commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala, la lecture d'un poème de l'éminent Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasr al-Si'di rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasr al-Si'di rahimahullah ta'ala est un savant du siècle dernier. Il est né en l'an 1307 de l'Égir, correspondant à l'an 1889 selon le calendrier grégorien. Ce savant a laissé derrière lui de nombreux ouvrages ainsi que de nombreux élèves. Et parmi ses élèves les plus connus, il y a l'éminent Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et parmi ses ouvrages, il y a bien entendu l'exégèse du Coran, connu sous le nom de Tafsir al-Si'di. Et parmi ses nombreux écrits, il y a ce poème que l'on va lire. On lira une partie de l'explication qu'il a fait de celui-ci. Donc dans son explication de ce poème qu'il a intitulé « As-sayru ila Allah wa ad-dar al-akhirah » Le cheminement vers Allah et la demeure dernière. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a exposé les différentes étapes que devait emprunter celui qui souhaite cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qui souhaite se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'atteindre son paradis dans l'au-delà. En effet, nombreux sont ceux qui souhaitent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont ceux qui désirent entrer au paradis, mais peu connaissent les étapes à franchir afin d'atteindre ce noble objectif. Il a donc résumé dans ce poème, rahimahullah ta'ala, ces différentes étapes, puis il a donné à ce poème quelques annotations bénéfiques afin de clarifier le sens de cela. Et il a commencé par une introduction au sujet de l'ibada, au sujet de l'adoration. Il a dit, rahimahullah, «I'lam anna al-maqsouda min al-ibada, ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatuhu, wa mahabbatuhu, والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام. Sache que ce qui est visé par l'adoration, celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble des djinns et des hommes, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit donc, qu'est-ce qui est visé par cette adoration? Ce qui est visé par l'adoration, c'est d'adorer Allah, le connaître, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, l'aimer, revenir constamment à lui et emprunter les voies qui mènent à la demeure de la paix, c'est-à-dire le paradis. Ensuite, il dit « Wa aktharu an-nasi ghalaba 'alayhim al-hiss wa malakatuhum ash-shahawat wal-'adat » Et la plupart des gens sont dominés par les sentiments et captivés par les passions et les coutumes. C'est-à-dire les coutumes des gens, les coutumes de leur pays, etc. فَلَمْ يَرْفَعُوا بِهَذَا الْأَمْرِ رَأْسًا وَلَا جَعَلُوهُ لِبِنَائِهِمْ أَسَاسًا Ils ne portent donc aucune attention à cela et ils n'en ont pas fait un fondement de leur édifice. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas attention à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à revenir à lui et à emprunter les voies qui mènent au paradis. Il dit, rahimahullah, بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم. Ils se sont plutôt détournés de cela, se préoccupant de leurs passions, et ils l'ont délaissé en s'attachant à leurs désirs. ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم فهم في جهلهم وظلمهم حائرون. Il dit, ils ne se sont pas arrêtés afin de rattraper le temps qu'ils ont perdu, c'est-à-dire une fois pris dans leurs passions, dans leurs désirs, ils ne se sont pas stoppés, mais ils ont continué et ils sont donc confus dans leur ignorance et leur injustice. Ceci est la situation de la majorité des hommes. Wallahu al-musta'an. Il dit ensuite « وَعَلَى حُضُودِ أَنفُسِهِمْ أَشَّارِرَةِ عَنِ اللَّهِ مُكِبُّونَ وَعَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ غَافِلُونَ وَلِمَصَالِحِ دِينِهِمْ مُضَيِّعُونَ وَفِي سُكْرِ عُشْقِ الْمَأْلُوفَاتِ هَائِمُونَ » Ils se sont adonnés au plaisir de leurs âmes, qui les détournent d'Allah, inattentifs au rappel de leur Seigneur, négligeant des intérêts de leur religion et éperdus dans l'ivresse de l'amour pour les choses ordinaires. Les choses ordinaires, c'est-à-dire parmi les choses de ce bas monde. Les choses sans intérêt, les choses qui ne rapprochent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaikahum ulfasiqoon ». Ils ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَلَمْ يَتَنَبَّأْ مِنْ هَذِهِ الرَّقْضَةِ الْعَظِيمَةِ وَالْمُصِيبَةِ الْجَسِيمَةِ إِلَّا الْقَلِيلِ مِنَ الْعُقَلَىٰ وَالنَّادِرُ مِنَ النُّبَلَىٰ ». Et nul ne se réveille de cette grande somnolence et de cette calamité immense en dehors d'un petit nombre de doués de raison ainsi que de rares nobles parmi les gens. فَعَلِمُوا أَنَّ الْخَسَارَةَ كُلَّ الْخَسَارَةِ الْاشْتِغَالُ بِمَا لَا يُجْدِي عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا الْوَبَالُ وَالْحِرْمَانُ وَلَا يُعَوِّضُهُ مِمَّا يُؤَمِّلُ إِلَّا الْخُسْرَانُ. Il dit, rahimahullah, ils ont su que la perte tout entière se trouve dans la préoccupation par ce qui n'apporte à son auteur que malheur et désillusion. C'est-à-dire ce petit nombre de doués de raison. Ces personnes qui se sont réveillées de cette somnolence et sorties de cette insouciance. Ils ont su que toute la perte, elle se trouve dans quoi? Dans la préoccupation par ce qui n'apporte à son auteur que malheur et désillusion. Parmi les choses interdites, parmi les choses futiles et vaines de ce bas monde. Il dit qu'il n'apporte à son auteur que malheur et désillusion. Et ne lui procure, en échange de ses espoirs, que la perdition. Et telle est la situation de nombreuses personnes parmi les hommes dans ce bas monde. Il dit « فَآثَرُ الْكَامِلْ عَلَى النَّاقِسْ وَبَاعُ الْفَانِ بِالْبَاقِي ». Ils ont donc préféré la perfection à la déficience et ils ont cédé l'éphémère contre l'éternel. Ces doués de raison-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré la vie éternelle à la vie éphémère. C'est-à-dire que dans leurs œuvres, ils ont réfléchi à œuvrer pour ce qui leur profitera dans l'au-delà et pas seulement ici-bas. Ils ne se sont pas arrêtés au plaisir éphémère de ce bas monde, mais ils ont pensé à la vie qui viendrait après et qui est éternelle. Il dit, rahimahullah, وَتَحَمَّلُوا تَعْبَ التَّكْلِيفُ وَالْعِبَادَةِ حَتَّى صَارَتْ لَهُمْ لَذَّةً وَعَادَةً. Ils ont supporté la fatigue des ordres imposés, c'est-à-dire les ordres imposés par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que celle de l'adoration, jusqu'à ce que celle-ci devienne pour eux un plaisir et une habitude. Et telle est la situation du réel croyant, celui qui a concrétisé la foi. Les adorations pour lui, elles sont un plaisir et une habitude. Il les fait avec plaisir, il en ressent, et il en ressent la douceur. ثُمَّ صَارُوا بَعْدَ ذَلِكَ سَادَ فَاسْمَعْ صِفَاتِهِمْ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَى الْإِتِّصَافِ بِهَا. Il dit ensuite, rahimahullahu ta'ala, il dit, ils sont ainsi devenus des maîtres, c'est-à-dire en empruntant ce chemin. Il dit, écoute donc leurs caractéristiques et implore l'aide d'Allah afin de te parer de celles-ci. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a introduit l'explication de son poème en disant que dans ce poème, il allait te décrire les caractéristiques de ces gens qui se sont réveillés de cette somnolence et qui sont sortis de cette insouciance. Et il dit, implore l'aide d'Allah afin de te parer de celles-ci. Car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas concrétiser ce noble but. Donc dans le poème rahimahullah, il a dit, dans le premier vers, سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. Heureux sont ceux qui des voies de la perte se sont écartés et vers les degrés de l'agrément se sont dirigés. Les voies de la perte, elles sont très nombreuses. Il y a parmi celles-ci les voies du polythéisme, les voies de la mécréance, les voies de l'hypocrisie, mais également les voies de l'innovation, des grands et des petits péchés, et ainsi de suite. Donc celui qui s'écarte de ces voies, qui sont toutes des voies qui mènent à la perdition, il fera partie des bienheureux, inshallah ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit, heureux sont ceux qui des voies de la perte se sont écartés et vers les degrés de l'agrément se sont dirigés. Donc ce qui est demandé aux croyants ici-bas, c'est d'emprunter le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour lui et qu'il lui a ordonné de suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans son noble livre, « وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا » فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ceci est mon chemin qui est droit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe, après avoir décrit ce chemin, il dit, et ceci est mon chemin qui est droit. C'est-à-dire celui que je vous ai clarifié, celui que je vous ai exposé. La voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mène à quoi? Qui mène au paradis. Et c'est un chemin simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, la facilité. Et ceci est mon chemin qui est droit. Suivez-le donc, c'est-à-dire suivez-le, afin d'obtenir le bonheur, le succès et la réussite dans l'au-delà. Et ne suivez pas les sentiers, c'est-à-dire les voies qui s'opposent au chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les voies du polythéisme, les voies de la mécréance, des innovations, des péchés, etc. Il dit, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, c'est-à-dire les sentiers qui vous égarent, qui vous emmènent à droite à gauche, afin de vous écarter du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que ces sentiers qui écartent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils ne mènent pas à Allah et ne mènent pas au paradis, alors où mènent-ils? Tous ces sentiers-là, ils conduisent et mènent celui qui les emprunte au feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Et médite sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, lorsqu'il a évoqué son chemin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Wa anna hada sirati mustaqima » et ceci est mon chemin droit. Il l'a mentionné comment? Au singulier. Car il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala et qui mène au paradis. Et ce chemin, c'est la voie de l'islam, la voie du suivi du Coran et de la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. Et le serviteur, pour emprunter ce chemin, il a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite son cheminement vers lui. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, dans chacune de nos prières, de l'invoquer afin de nous guider sur ce chemin. Lorsqu'on récite la Fatiha, qu'est-ce que l'on dit? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Donc le serviteur, pour emprunter ce chemin et pour rester ferme sur ce chemin, il a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, le diable, il a un grand désir d'égarer les enfants d'Adam, alayhi salam. C'est pour cela que lorsque le serviteur souhaite emprunter le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve sur son chemin le diable qui cherche à l'égarer. Comme cela est venu dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman khatta » Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit. « Thumma qal, hada sabilullah » Et il a dit ceci est la voie d'Allah, le chemin droit d'Allah. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. Ensuite, il a tracé des traits à sa droite et à sa gauche, des traits obliques autour de ce trait droit. ثم قال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Il a dit ceci sont les sentiers et à chacun de ces sentiers, sur chacun de ces sentiers, il y a un diable qui y appelle. C'est-à-dire qu'il y a un diable qui appelle à la mécréance, un diable qui appelle au polythéisme, un diable qui appelle aux innovations, un autre qui appelle aux différentes sortes de grands péchés, et ainsi de suite. Donc le serviteur, lorsqu'il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit savoir qu'il va rencontrer ces diables qui l'appellent à le détourner du chemin droit et l'emmener vers où? L'emmener vers ces sentiers qui détournent du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Abd al-Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a dit « وَالْمَعْنَا أَنَّ سِرَاطَ اللَّهِ تَرِيقٌ وَاضِحٌ » يوصل من سلكه إلى الجنة والكرامة أما الطرق عن يمينه وشماله فهي البدع والشبهات والشهوات المحرمة التي يسلقها أكثر الخلق. Il dit rahimahullah, le sens de ce hadith, c'est que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une voie claire qui mène celui qui l'emprunte au paradis et à la dignité. Quant aux sentiers qui sont à sa droite et à sa gauche, ce sont les innovations, les ambiguïtés, les désirs interdits que suivent, ou plutôt qu'ont emprunté, la majorité de la création. Il dit, elle mène donc celui qui les emprunte, c'est-à-dire les innovations, les ambiguïtés, les désirs interdits, elle mène celui qui les emprunte au feu de l'enfer. Et il dit, rahimahullah, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela. Donc ceci, mes frères, c'est la première étape à emprunter pour celui qui veut le bonheur. C'est de savoir quel est le droit chemin à emprunter et de s'écarter des voies de la perte. Car celui qui veut le paradis, il est indispensable qu'il emprunte pour y atteindre le bon chemin. Comme on a dit, nombreux sont ceux qui souhaitent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont ceux qui souhaitent accéder au paradis, mais peu sont ceux qui empruntent le bon chemin pour cela. Et afin d'emprunter le bon chemin, le serviteur, il a besoin de faire des choses qu'il se peut que son âme, elle réprouve, qui soient difficiles pour lui. C'est pour cela qu'il doit patienter sur ses difficultés. Il a besoin de patience et il a besoin d'endurance afin d'atteindre son objectif et de rester ferme sur ce droit chemin. Car comme il est venu dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Huffat al-Jannah bil makari wa huffat al-Nar bil shahawat ». Le paradis, il a été entouré, recouvert de quoi? Des choses qui sont difficiles, que l'âme, elle réprouve. Et le feu de l'enfer, il a été entouré de quoi? Des désirs de l'âme. Des choses que l'âme, elle désire. Donc ça demande quoi? De la patience et de l'endurance afin de rester ferme sur ce chemin. Donc la première étape de ton cheminement vers Allah, c'est que tu apprennes quel est ce chemin et quels sont les sentiers qui égarent de ce chemin. Tu restes ferme sur ce chemin et tu t'écartes des chemins de la perdition. Et le musulman, il doit savoir qu'en fonction de sa fermeté sur ce chemin, en fonction de sa fermeté sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il traversera le pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer. As-sirat, au jour de la résurrection. Plus tu es ferme ici-bas, plus tu t'empresses dans le bien et les bonnes œuvres ici-bas, plus tu traverseras le pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer au jour de la résurrection rapidement. Comme cela est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Tajri bihim a'maluhum » et dans une autre version « Yamurrun ala qadri a'malihim » c'est-à-dire que ce sont leurs œuvres qui les font avancer sur ce pont. Ils avancent en fonction de leurs œuvres. Plus leurs œuvres étaient bonnes, plus ils s'empressaient dans le bien dans ce bas monde, plus ils traverseront rapidement ce pont. Et moins leurs œuvres étaient bonnes, moins ils avanceront rapidement sur ce pont. Il y en a qui le traverseront à la vitesse de l'éclair, d'autres qui le traverseront à la vitesse du vent, d'autres qui le traverseront à la vitesse de l'oiseau lorsqu'il vole, et ainsi de suite jusqu'à celui qui le traversera, comment? En rampant. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter afin de faire partie de ceux qui s'empressent à accomplir le bien ici-bas. Et on a en cela un excellent exemple en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui œuvrait sans cesse dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait pardonné ses péchés passés et futurs, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait promis le paradis, malgré qu'il avait la certitude en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était constamment dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, c'est ainsi qu'étaient ses nobles compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et à leur tête, les califes bien guidés, comme Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et vous connaissez certainement le hadith rapporté par l'imam muslim d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons et a dit « Man asbaha minkum al-yawma sa'ima » qui parmi vous s'est levé aujourd'hui en état de jeûne. Alors Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il a dit « Ana, moi, il jeûnait ce jour-là. » Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tabi'a minkum al-yawma janazatan » qui parmi vous a suivi aujourd'hui une janaza, un convoi funéraire. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il a dit « Ana, moi, je l'ai fait. » Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faman at'ama minkum al-yawma miskina » qui parmi vous a aujourd'hui nourri un pauvre. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il a dit « Ana, moi je l'ai fait. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite « وَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا » et qui parmi vous a visité aujourd'hui un malade. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a encore dit « Ana, moi je l'ai fait. » On voit donc que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il faisait le bien, il s'empressait de faire le bien. Tous les actes au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogeait afin de savoir s'il les avait fait, il disait « Moi, je l'ai fait. » Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ?« Majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah » Ces quatre choses ne sont pas réunies en une personne sans qu'il n'entre au paradis. Donc mes frères, ceci c'est la première étape de notre cheminement vers Allah, de s'empresser vers le bien et de s'écarter des voies du mal. On va maintenant lire brièvement l'explication qu'a fait l'auteur, rahimahullah ta'ala, de ce vers. Il a dit, rahimahullah, « Hada huwa aslu tariqihim » وَقَاعِدَةُ سَيْرِ فَرِيقِهِمْ ceci est le fondement de leur voie et la base du cheminement de leur groupe. C'est-à-dire de s'écarter des voies de la perte et de s'empresser de se diriger vers le degré de l'agrément. إِنَّهُمْ تَجَنَّبُوا طُرُقَ الْخُسْرَانِ وَتَيَمَّمُوا طُرُقَ الرِّضْوَانِ ils se sont écartés des voies de la permission et se sont dirigés vers les voies de l'agrément. تَجَنَّبُوا طُرُقَ الشَّيْطَانِ وَقَصَدُوا عِبَادَةَ الرَّحْمَانِ ils se sont écartés des voies du diable, des sentiers du diable, et ils se sont orientés vers l'adoration du tout miséricordieux. Tajannabu turq al-jahim wa tayammamu subul an-na'im. Ils se sont écartés des voies de l'enfer et se sont dirigés vers les voies du délice, c'est-à-dire les voies du paradis. Taraku as-sayyi'at wa 'amilu al-hasanat. Ils ont délaissé les mauvaises actions et ils ont mis en pratique les bonnes actions. Nazzahu qulubahum wa alsinatahum wa jawarihahum 'anil muharramat wal makruhat. Ils ont purifié leur cœur, leur langue et leur corps des choses interdites et détestables. Pourquoi? Parce que ces choses-là, elles t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala et elles rompent le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils ont purifié leur cœur, leur langue et leur corps de ces choses-là. وَشَغَلُوهَا بِفِعْلِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ. Et ils les ont occupés, c'est-à-dire leur cœur, leur langue et leur corps, avec quoi? Avec l'accomplissement des choses obligatoires, mais également des choses recommandées. Car celles-ci, elles rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, تَحَلَّوْ بِالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ وَتَخَلَّوْ مِنَ الْأَوْصَافِ الرَّذِيلَةِ. Ils se sont parés des nobles comportements et ont délaissé les caractères méprisables. Ceci est donc la première étape pour celui qui souhaite cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَهُمُ الَّذِينَ قَدْ أَخْلَصُوا فِي مَشْيِهِمْ مُتَشَرِّعٍ بِشِرْعَةِ الْإِيمَانِ. Ils sont ceux qui ont été sincères dans leur avancée et aux enseignements de la foi se sont conformés. Donc le cheikh ici, rahimahullah, il mentionne les deux conditions d'acceptation des œuvres qui sont la sincérité et la conformité. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des plus grandes caractéristiques des bienheureux et de ceux qui souhaitent cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils concrétisent dans chacune de leurs œuvres la sincérité envers Allah, en vouant leurs œuvres uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et en se conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullah, hatani al-qa'idatan wa huma al-ikhlas wa al-mutaba'a shartun li kulli 'ibadatin zahiratin wa batinah. Il dit ces deux règles qui sont al-ikhlas, la sincérité, le fait de vouer un culte exclusif à Allah, et al-mutaba'a, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont une condition pour toute adoration, qu'elle soit apparente ou cachée. Al-ikhlas, c'est le fait que tu purifies ton cœur du désir d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu ne recherches à travers tes œuvres que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela consiste à ce que le serviteur, dans chacune de ses adorations, il ne recherche que quoi? Il ne recherche qu'à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à atteindre son paradis. Et il ne faut pas penser que cette chose, c'est une chose simple, qu'il est facile pour la personne d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il y a des personnes, lorsqu'ils entendent parler de sincérité, ils te disent, Alhamdulillah, je suis wahid. Ana muwahhid, je ne fais pas de shirk. Je suis monothéiste, je ne fais pas de polythéisme. Cependant, il a oublié, ou plutôt, il a été distrait quant au fait que le shirk, il y a parmi celui-ci des sortes qui sont très subtiles. C'est pour cela qu'on trouve que certains parmi les salafs, rahimahumullah ta'ala, qu'est-ce qu'il disait? Je n'ai pas combattu mon âme pour une chose comme je l'ai combattu pour être sincère. Ma jahadtu nafsi ala shay kama jahadtuha ala l'ikhlas. Donc on voit que le fait d'être sincère, mes frères, ce n'est pas une chose qui est simple. Il y a de nombreuses sortes de polythéismes qui sont très subtils pour le serviteur. Comme par exemple, al-riya, l'ostentation. Ou encore al-ujb, la vanité. Combien sont ceux qui, lorsqu'ils accomplissent certaines œuvres, ils sont pris de vanité. Et ceci ne fait pas partie des caractéristiques des bienheureux. En effet, l'ostentation et la vanité, cela s'oppose à la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait également de rechercher les compliments des gens. Certaines personnes, ils accomplissent des œuvres de bien qui doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils recherchent quoi à travers celles-ci? Ils recherchent les compliments des gens. Donc le serviteur, il doit faire des efforts pour s'écarter de ces choses. S'écarter de l'ostentation, s'écarter de la vanité, s'écarter de la recherche des compliments. Et il ne doit pas se soucier de ce que pensent les gens de ses œuvres. Car à travers ses œuvres, il ne recherche que quoi? Il ne recherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de l'intention et de la sincérité. Amrun niyya shadid. L'affaire de l'intention est difficile. Et il lit l'imam Ahmed, rahimahullah. Un des quatre grands imams de l'islam. Et il nous dit, l'affaire de l'intention est difficile. On trouve aujourd'hui des gens qui sont négligents dans leurs adorations et qui pensent avoir atteint les plus hauts degrés en termes de tawhid, en termes d'ikhlas et de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de purifier leur intention et de la préserver de toute corruption, c'est plus difficile pour le serviteur que quoi ? Que de faire de grands efforts dans l'adoration. C'est facile de rester toute une nuit en prière, de passer sa journée à jeûner et à lire le Coran. Certes, ça demande des efforts, mais c'est une chose qui est réalisable par toute personne. Si elle se force et qu'elle fait des efforts, elle va réussir cela. Mais être sincère dans cette adoration, c'est cela qui est le plus difficile. D'atteindre la sincérité dans cette œuvre, de la préserver de toute chose qui va venir la corrompre, comme l'ostentation, ou comme la recherche des compliments des gens, la recherche de notoriété, d'atteindre un certain rang, ou encore la vanité. Il y a certaines personnes, ils accomplissent des adorations, et ils sont pris d'orgueil suite à l'accomplissement de ces adorations. Ils pensent être meilleurs que ses frères parce qu'il a accompli cette œuvre. Ils pensent avoir un degré supérieur. Ils méprisent les autres parce qu'il a accompli cette œuvre. C'est pour cela que l'on trouve certains parmi les salafs qui disaient quoi ? Je préfère me réveiller au matin sans avoir prié la nuit, mais être plein de regrets. De regrets de ne pas s'être levé pour faire la prière de nuit. Plutôt que d'avoir prié toute la nuit et être pris de vanité. Car ceci, ça annule l'œuvre. Donc il est préférable pour la personne de ne pas l'avoir fait et de regretter de ne pas avoir atteint ce rang, plutôt que de la faire et de s'enorgueillir et d'être pris de vanité. Ensuite il dit, rahimahullah, wa kullu amalin la yakunu ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa mardoud. Et toute œuvre qui n'est pas conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors celle-ci est rejetée. La bonne intention, le fait d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, cela ne suffit pas pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte des œuvres que celles qui sont conformes à ce qu'il a légiféré à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui instaure dans notre ordre une chose qui n'en fait pas partie, alors ceci est rejeté. Et dans une autre version de Muslim: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci est rejetée. Donc le serviteur, il ne doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que par une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et il n'est pas possible de se rapprocher d'Allah par les innovations ou par les choses inventées par les gens. Aussi sincère soit la personne, si elle passe ses journées dans l'innovation, sincèrement pour Allah, pensant se rapprocher d'Allah et espérant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres, en réalité, elle ne fait que s'éloigner et s'écarter du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant cela, elle encourt un grave châtiment de la part d'Allah. Elle pense se rapprocher d'Allah, mais en réalité, elle s'éloigne de lui. Pourquoi ? Car elle ne s'est pas conformée à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses œuvres. Il est rapporté de Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, qu'un jour, il a vu un homme multiplier les prières après la levée de l'aube, c'est-à-dire après l'adhan du Fajr. Il accomplissait plusieurs prières. Et ce qui est légiféré à ce moment-là, c'est d'accomplir sunnat al-Fajr, les deux rak'a que tu accomplis avant la prière obligatoire du Fajr. Donc il a vu un homme, il faisait plein de prières. Il lui a interdit cela. Alors l'homme, il s'est étonné, il lui a dit: Ya Aba Muhammad, la kunya de Saïd ibn al-Musayyab, ayu'adhibunillah ala salah, Allah va-t-il me châtier pour la prière? Pourquoi m'interdis-tu de prier? Alors Saïd, qu'est-ce qu'il lui a répondu, rahimahullah? Il lui a dit: La, walakin yu'adhibuka ala khilaf sunnah. Mais il va te châtier pour ton opposition à la sunna. Il est en train d'accomplir une œuvre qui n'est pas légiférée. Il pense se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, il ne fait par cette œuvre que s'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté également par l'imam Abd al-Razzaq, as-San'ani, rahimahullah ta'ala, dans son Musannaf, l'histoire de l'imam Malik rahimahullah ta'ala avec l'homme qui a souhaité se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage de la Umrah à partir du Masjid Nabawi, à partir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a interrogé l'imam Malik au sujet de l'endroit où il devait se mettre en état de sacralisation. L'imam Malik rahimahullah lui a répondu et il a dit: moi je vais me mettre en état de sacralisation à partir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'imam Malik, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: inni akhsha alayka al-fitna. Je crains pour toi la fitna, une tentation. Alors l'homme, il s'est exclamé: et quelle fitna il y a-t-il dans le fait que je rajoute quelques kilomètres? Qu'y a-t-il de mal en cela? Il lui a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala: wa ayu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadila qassara anha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: et qu'y a-t-il de tentation plus grande, de fitna plus grande que le fait que tu penses que tu accomplis un mérite, une chose méritoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait négligé. Ensuite il lui a dit: inni sami'tu Allah yaqul falyahdhar alladhina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Que craignent donc ceux qui s'opposent à son ordre que ne les atteigne une fitna ou que les atteigne un châtiment douloureux. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il a été interrogé au sujet de la fitna qui est voulue dans ce verset. Que craignent ceux qui s'opposent à son commandement que ne les atteigne une fitna. Il a dit rahimahullah: atadrim al-fitna, al-fitna hiya shirk. Savez-vous ce qu'est la fitna? La fitna, c'est le shirk, le polythéisme. Et en effet, celui qui accomplit, ou plutôt qui commet des innovations, en faisant cela, étant donné qu'il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est à craindre pour lui qu'à force de s'éloigner d'Allah, il finisse par tomber dans quoi? Il finisse par tomber dans le polythéisme. Pourquoi? Par le fait qu'il s'est opposé au commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il a également dit à ce sujet, après avoir dit: al-fitna hiya shirk, la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayr fayahlak. Il a dit: il se peut que s'il rejette une partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il viendra dans son cœur une part de déviance et il périra. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala, il a dit: فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده. Donc s'ils sont réunis dans l'œuvre, الإخلاص للمعبود, la sincérité pour celui qu'on adore, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, et cela veut dire c'est le fait que la personne ne recherche à travers son œuvre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Donc si cela est réuni avec quoi? والمتابعة للرسول sallallahu alayhi wa sallam, et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa an yakuna al-amal qad umira bihi, c'est-à-dire que l'œuvre que tu accomplis, elle a bien été ordonnée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa hadha huwa al-amal al-maqbul, alors ceci est l'œuvre qui est acceptée, celle dans laquelle sont réunies ces deux conditions: al-ikhlas, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et al-mutaba'a, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il est à souligner que l'œuvre qui est accomplie de cette manière, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est acceptée que si elle est basée sur quoi? Si elle est basée avant cela sur la foi et la croyance authentique. C'est-à-dire que seules les œuvres du croyant sont acceptées. En effet, il se peut qu'une personne soit mécréante ou polythéiste et qu'elle accomplisse certaines œuvres sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, comme c'est le cas de certaines personnes qui accomplissent de la mécréance majeure ou du polythéisme majeur parmi les adorateurs de tombes ou autres. Il se peut qu'il y ait certaines de leurs œuvres qu'ils vouent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils accomplissent comme Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonnés. Mais étant donné qu'ils commettent des actes qui sont contraires à l'islam et qui annulent l'islam, alors leurs œuvres, elles sont rejetées. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a conditionné cela dans son livre et il a dit subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Quiconque fait des œuvres pieuses tout en étant croyant, c'est-à-dire qu'il doit être croyant, d'une croyance authentique, d'une croyance valide, on ne méconnaîtra pas son effort et nous le lui inscrivons à son actif. C'est-à-dire que son œuvre, elle est inscrite pour lui, à condition qu'il soit croyant. Mais s'il n'est pas croyant et qu'il accomplit une œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, alors malgré cela, son œuvre, elle est rejetée car seules les œuvres des croyants sont acceptées. Ensuite, le shir il dit, rahimahullah ta'ala, وَهُمُ الَّذِينَ بَنَوْا مَنَازِلَ سَيْرِهِمْ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ لِلدَّيَّانِ. Et ils sont ceux qui, de leur cheminement, les étapes ont érigé entre l'espoir et la peur au juge souverain voué, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Car la peur et l'espoir, ce sont deux adorations, et toutes les adorations, elles ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, en explication de ce vers, « Ay, saru fi jami'i umurihim, mustashibin, wa mulazimin, lil khawfi wa raja. » Ils sont, dans l'ensemble de leurs œuvres, dans l'ensemble de leurs affaires, accompagnés et accrochés à quoi ? À la peur et l'espoir. C'est-à-dire que dans chacune de leurs œuvres, ils ont réuni entre la peur et l'espoir. Car la peur et l'espoir, comme l'ont mentionné les savants, ils sont semblables aux deux ailes de l'oiseau. L'oiseau, pour voler, il a besoin de ses deux ailes. S'il n'a qu'une seule aile, il ne pourra pas voler. Et ces deux ailes, elles sont semblables à la peur et l'espoir pour le croyant. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, وَذَٰلِكَ أَنَّ لَهُمْ نَظَرَيْنَ أَيْ نَظَرٌ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَتَقْصِيرِهِمْ فِي حُقُوقِ اللَّهِ يُحْدِثُ لَهُمْ الْخَوْفِ وَنَظَرٌ إِلَىٰ مِنَنِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ يُحْدِثُ لَهُمْ الرَّجَاءِ. Il dit, et ceux, c'est-à-dire ils sont entre la peur et l'espoir, pourquoi? Car ils ont deux regards sur les choses. Ils regardent les choses de deux manières. Ils ont un regard sur leur personne et leur négligence vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce regard, il suscite en eux quoi? Il suscite en eux la peur. Et ils ont un autre regard sur les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur regard. Et la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux. Et ce regard-là, il suscite en eux quoi? Il suscite en eux l'espoir. Il y a certaines personnes qui font prédominer l'espoir dans leurs œuvres et dans leur vie. Ils ne pensent qu'au pardon d'Allah et qu'à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu les vois plonger dans les péchés. Et si tu les reprends et les conseilles au sujet de ces péchés qu'ils accomplissent, qu'est-ce qu'ils te disent? Allah est pardonneur et miséricordieux. Allahu ghafur rahim. Ils font des péchés, ils sont plongés dans les péchés. Et ils espèrent quoi? Ils espèrent le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est semblable à la croyance du groupe des Murji'a, ceux qui ont considéré que les mauvaises actions, elles n'ont pas d'impact sur la foi. Ils pensent que celui qui fait des péchés et celui qui n'en fait pas, ils sont égaux en termes de foi. Et il n'y a pas de doute que s'ils s'opposent à la croyance authentique et au texte clair du Coran et de la Sunna, démontrant que la foi augmente et diminue. Donc cela, à cause de leur excès dans l'espoir, ils se sont égarés du droit chemin. Et d'autres, ils ont exagéré dans la peur. Et ils n'ont regardé que les textes de menace, ceux dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala menace celui qui fait tel ou tel péché de tel ou tel châtiment. Ils ont exagéré dans la peur, et donc ceci les a conduits à quoi? À considérer comme non-croyants toute personne qui commet tel ou tel péché. Et ceci est la croyance des Khawarij, qui contrairement aux Murji'a, ils ont considéré que faire un seul péché, cela fait quoi? Cela fait sortir de la foi. Et ceci également est contraire à la croyance authentique, la croyance des gens de la Sunna, qui considèrent que celui qui commet un grand péché, il est tout de même croyant, mais sa foi est diminuée. Donc on considère que les péchés, ils ont un impact sur notre foi, c'est-à-dire qu'ils la font diminuer, contrairement au Murji'a. Et on considère que celui qui fait des péchés, des grands péchés, il est tout de même croyant, contrairement au Khawarij. Et ceci est la voie du juste milieu, qui est la voie des gens de la Sunna, et qui est le fait de rester entre la peur et l'espoir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Nabbi ibadi anni ana al-ghafur al-rahim » Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'informer ses serviteurs quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Mais il les pardonne à qui? À ceux qui se repentent de ces péchés. À ceux qui implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit, wa anna azabi huwa al-azabu al-alim. Et que mon châtiment, Et certes, le châtiment douloureux, c'est-à-dire, informe-les également que mon châtiment, pour celui qui persiste dans ses péchés, qui fait des péchés et ne se repent pas de ses péchés, alors mon châtiment pour celui-ci est un châtiment douloureux auquel aucun châtiment n'est semblable. Ceci est donc une mise en garde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble de la création quant au fait de faire des péchés. Et c'est également un encouragement pour celui qui fait des péchés de se repentir de cela, espérant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu observes en toi un manque vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois revenir au droit chemin en te repentant et en implorant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne, aussi nombreux soient les efforts qu'elle fait pour atteindre la perfection et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est inévitable qu'elle fasse des erreurs. Il est inévitable qu'elle ait certains manquements et qu'elle fasse certains péchés, petits ou grands. Et ceci nous montre quoi? Ceci nous montre que nous sommes nécessiteux, que nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous avons sans cesse besoin de quoi? De renouveler notre foi et de ne pas se laisser aller dans les péchés. Donc la personne, elle ne doit pas seulement se reposer sur l'espoir et espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle doit se remettre en question et également avoir peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, « Wa aydan yanzuruna ila sifati al-azama wal-jalal wal-hikma wal-adl fayakhafuna ala anfusihim min tarattubi athariha. » Également, il dit donc, ceux qui cheminent vers Allah, les bienheureux, ils observent les attributs de noblesse, de grandeur, de sagesse, d'équité et de justice, c'est-à-dire qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils craignent pour leur personne les conséquences des effets de ces attributs. C'est-à-dire ils craignent que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soit quoi? Ce soit de t'éprouver par telle ou telle chose. Ils craignent la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est que lorsque tu fais un péché, si tu ne te repens pas, il te châtie pour ce péché. Donc le croyant, il a peur de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a peur de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il dit وَيَنْظُرُونَ إِلَى صِفَاتِ الرَّحْمَةِ وَالْجَوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْإِحْسَانِ فَيَرْجُونَ مَا تَقْتَضِيهِ. Et également, il regarde parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde, la bonté, la générosité et la bienfaisance. Et ils espèrent ce qu'impliquent ces attributs. Ils espèrent la bienfaisance d'Allah. Ils espèrent la bonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc sans cesse entre la peur et l'espoir. Il dit, rahimahullah, فَإِنْ فَعَلُوا حَسَنًا جَمَعُوا بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَعَ. S'ils font une bonne action, ils réunissent entre la peur et l'espoir. Comment ils réunissent entre la peur et l'espoir lorsqu'ils font une bonne action? Il dit, rahimahullah, فَيَرْجُونَ قَبُولَهَا وَيَخَافُونَ رَدَّهَا. Ils espèrent qu'elle soit acceptée et ils ont peur qu'elle soit rejetée. Ceci est la situation du croyant lorsqu'il fait une bonne action. Il espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte cette bonne action. Et il a peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala rejette cette bonne action. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit « Wal maqsoudu min ar-raja, anna man waqa'a minhu taqsirun, fal yuhsin dhannahu billahi subhanahu wa ta'ala, wa yarju an yamhuwa anhu dhanbahu, wa kadha man waqa'a minhu ta'a, yarju qabulaha. » Il dit, ce qui est voulu de l'espoir, c'est que celui qui a des manquements, il doit avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui efface son péché. C'est-à-dire s'il est revenu à Allah, qu'il s'est repenti et qu'il a imploré son pardon pour ce péché. Il dit, et de la même manière, celui qui accomplit une bonne action, une obéissance, il espère qu'elle soit acceptée. Donc l'espoir authentique, le vrai espoir, c'est que la personne œuvre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et espère l'acceptation de ses œuvres. Il dit ensuite, rahimahullah, donc l'auteur, Al-Si'di, rahimahullah, « وَإِنْ عَمِلُوا سَيِّئَةً خَافُوا مِنْ عِقَابِهَا وَرَجَوْا مَغْفِرَتَهَا بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى. » Et s'ils font une mauvaise action, ils ont peur de la sanction de cette mauvaise action. Et ils espèrent se faire pardonner cette mauvaise action par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On voit donc que la personne, qu'elle fasse du bien ou qu'elle fasse du mal, elle doit être quoi? Entre la peur et l'espoir. Si elle fait du bien, elle espère que ce bien soit accepté et qu'il ne soit pas rejeté. Et si elle fait du mal, elle se repent et elle espère que ce mal soit pardonné et qu'elle ne soit pas châtiée pour celui-ci. Il dit « فَهُمْ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ يَتَرَدَّدُونَ وَإِلَيْهِمَا دَائِمًا يَفْزَعُونَ وَمِنْهُمَا فِي أَمْرِ سَيِّرِهِمْ مترددون فأولئك الذين أحرزوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون. Il dit, ils alternent ainsi entre la peur et l'espoir, et ils y recourent sans cesse. Les bienheureux, ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont sans cesse entre la peur et l'espoir. Ils alternent sans cesse entre ces deux dans leur cheminement. Ceux-là sont de ceux ayant reporté la victoire, et ce sont eux qui réussissent. Ceci est donc la troisième étape de ceux qui souhaitent cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre son paradis dans l'au-delà. Ils doivent être dans ce cheminement sans cesse entre la peur et l'espoir. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَهُمُ الَّذِينَ مَلَأَ الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ بِوِدَادِهُ وَمَحَبَّةِ الرَّحْمَانِ. Ils sont ceux dont le cœur furent emplis par le Dieu de son affection et l'amour du tout miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a empli leur cœur de son amour. Ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils aiment le tout miséricordieux. Il dit, rahimahullah, هذه المنزلة, ce degré ou cette étape, هي منزلة المحبة. C'est l'étape, le degré de l'amour. هي أصل المنازل كلها. ومنها تنشه جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. Il dit donc, ce degré, cette étape, c'est la base de tous les degrés. C'est de celui que résulte l'ensemble des œuvres pieuses. C'est-à-dire de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala va résulter quoi? Le fait que tu vas accomplir des œuvres pieuses pour te rapprocher de lui, ainsi que les œuvres bénéfiques et les degrés éminents. Ainsi celui de qui Allah subhanahu wa ta'ala a rempli le cœur de son amour, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, cela va se voir, se manifester à travers ses œuvres, ainsi que dans sa vie, dans sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la servitude, la réelle servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Comme l'a défini Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ibadatu ar-Rahman ghayat hubbihi. L'adoration du tout miséricordieux, c'est quoi? C'est de l'aimer extrêmement. Na'am. Donc, celui dont le cœur est rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va se manifester à travers ses œuvres, cela va se manifester à travers ses paroles, cela va se manifester dans son comportement, car il va chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses œuvres, à travers ses paroles. Et ce, dans toute situation. Et plus l'amour du serviteur pour son Seigneur augmente dans le cœur, plus le serviteur va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et multiplier les bonnes œuvres. Plus sa foi va augmenter, plus il va aimer Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va prendre plaisir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va ressentir de la douceur et du délice lorsqu'il accomplit des adorations. Lorsqu'il va se prosterner, par exemple, tu vas le voir prolonger sa prosternation. Il ne va pas vouloir relever sa tête de la prosternation. Pourquoi? Car il sait que lorsqu'il est prosterné, c'est le moment où il est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il aime Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il souhaite être proche de lui, il va multiplier et prolonger ses prosternations. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela et nous a dit que la situation dans laquelle le serviteur est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'il est prosterné. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, أَقْرَبُ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. La position, le moment dans lequel le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَكْثِرُ الدُّعَا. Alors multipliez les invocations, c'est-à-dire lors des prosternations. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Donc le cœur qui est distrait, le cœur qui est insouciant, il ne ressent pas cette chose. Lorsqu'il se prosterne, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève directement. Il ne trouve aucun délice et aucun plaisir dans ses adorations, que ce soit dans ses œuvres, que ce soit dans ses paroles, que ce soit dans ses comportements, et ainsi de suite. Lorsqu'il prie, tu vas le voir qu'il va prier rapidement, comme s'il se débarrassait de la prière. Il n'a aucune quiétude dans sa prière, aucune concentration. Pourquoi? Car il n'a pas compris ces choses. Il n'a pas empli son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à celui dont le cœur est empli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam sont plus aimés pour lui que toute chose. Donc lorsqu'il prie, il sait qu'il accomplit la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonnée, qu'il accomplit la prière de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Et ceci est plus aimé pour lui que toute chose. Donc rien ne lui distrait de cette prière. Et ne cherche pas à se débarrasser de cette prière, à l'accomplir rapidement pour retourner dans des futilités ou autres, comme le font ceux dont le cœur est distrait et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour nos manquements et d'augmenter notre foi et d'emplir nos cœurs de son amour subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, wa ma'na al-mahabba ta'alluq al-qalbi bil-mahboub wa luzum al-hub lil-qalbi fala tanfaka anhu wa hiya taqtadi min sahibiha al-inkifaf an ma yakrahu al-habib. Il dit, le sens de l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est que le cœur, il est attaché à l'être aimé. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala. Si réellement la personne aime Allah, son cœur, il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et cet amour, il est constamment dans son cœur. Constamment, il a cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, et il ne se sépare jamais de lui. Et ceci réclame de son auteur, de l'auteur de cet amour, le détachement de tout ce que réprouve l'être aimé. C'est-à-dire, il se détache de tout ce que réprouve Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur, il ne peut pas aimer les péchés. Il ne peut pas aimer les mauvaises actions. Il ne peut pas aimer les choses qu'Allah réprouve et qu'Allah a interdites, subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, وَالْمُبَادَرَ إِلَى مَا يُرْضِيهِ بِقَلْبٍ مُنْشَرِحْ وَصَدْرٍ رَحِيبٍ. Il dit également, cela réclame de lui, l'empressement vers ce qu'il agrée, l'empressement vers ce qu'Allah agrée, d'un cœur épanoui et d'une poitrine large. Donc comme on a dit, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des signes. Il ne suffit pas pour la personne de dire, moi j'aime Allah et j'aime son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans le verset qui est appelé Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve, le verset du test, il a dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dit, c'est-à-dire, ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Pourquoi ce verset il est appelé Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve? Car il y a des gens qui ont prétendu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont pas suivi son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a donc mis à l'épreuve. Il les a mis à l'épreuve en révélant ce verset et en disant, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. L'ordonner à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire cela à ces gens. Suivez-moi si vous aimez vraiment Allah, et ainsi Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Donc, dans ce verset, c'est comme s'il disait, si vous avez prétendu avoir atteint ce rang éminent et ce haut degré, au-dessus duquel il n'y a pas de degré plus haut, c'est-à-dire celui qui a atteint l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de degré au-dessus de celui-ci. Cependant, vous devez savoir que ceci n'est pas une simple prétention. Il est indispensable d'être véridique en cela. Et quel est le signe de la véracité de celui qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'ensemble des situations, dans l'ensemble des paroles, dans l'ensemble des actes, tu te dois de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de prouver la véracité de ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit en apparence ou en cachet, que ce soit dans les paroles ou dans les actes, que ce soit dans la croyance ou dans les adorations ou dans les comportements, dans tout cela, tu te dois de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses, cela prouve quoi? Cela prouve la véracité de sa prétention et de sa parole lorsqu'il dit qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il fait cela, qu'il prouve la véracité de cela, alors il va obtenir quoi en récompense? C'est quoi la suite du verset? فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Il va obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et également quoi? Le pardon de ses péchés. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Donc il obtient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'y a-t-il de plus grand pour le serviteur que d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Si le serviteur est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, plus rien ne lui apporte dans ce bas monde. Car Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder la réussite. Il va le soutenir, il va l'aider, car il fera partie de ses alliés subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui ne suit pas le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-ci en réalité, il n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique nécessairement de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si la personne n'a pas cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne suit pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela montre qu'elle était mensongère dans sa prétention d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec ce verset que l'on évalue et que l'on teste l'ensemble des créatures. C'est-à-dire qu'en fonction de ton suivi, de ta part de suivi, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ta foi augmentera et tu aimeras Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu suis le messager sallallahu alayhi wa sallam, plus ta foi va augmenter et plus tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, moins tu suivras le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et plus tu t'opposeras à ses ordres dans toute situation, que ce soit dans la parole, dans les actes, dans les croyances, dans les comportements, moins tu seras aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et médite ici la parole de l'auteur lorsqu'il a dit que la personne, elle devait s'empresser de faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprouve comment ? D'un cœur épanoui et d'une poitrine large. C'est-à-dire qu'il n'est pas gêné par l'accomplissement de ces choses-là. Le fait d'accomplir la prière, de donner la zakat, de faire le pèlerinage, et ainsi de suite parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandées à ses serviteurs. Celui qui fait cela, qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala en apparence, dans son cœur, il n'a aucune gêne vis-à-vis de cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, c'est-à-dire ils ne concrétiseront pas la foi, aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger dans leurs disputes, et après quoi ? Et qu'ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé. Aucune gêne vis-à-vis de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Parfois, dans certaines situations, lorsque la personne apprend ce qu'elle doit faire, elle interroge au sujet du bon comportement à avoir dans telle ou telle situation, et qu'elle connaît la réponse à cela, et qu'on informe de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont légiféré dans cette situation, elle est gênée par cela. Cela ne correspond pas à ses désirs, cela ne correspond pas à ce qu'elle souhaite et ce qu'elle aurait aimé, alors elle est gênée. Il se peut qu'elle se soumette à cet ordre, qu'elle le fasse, mais qu'elle soit gênée par cela. Si elle est dans cette situation, qu'elle ressent cette gêne dans son cœur, alors elle n'aura pas concrétisé la foi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a exigé dans ce verset, pour concrétiser la foi, que tu te soumettes au jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que tu n'éprouves aucune gêne vis-à-vis du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu te soumettes complètement à la sentence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, فَإِن تَكَلَّمَ Donc celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِاللَّهِ Lorsqu'il parle, il parle pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ses paroles, elles sont seulement dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن سَكَتَ سَكَتَ لِلَّهِ Et s'il se tait, il se tait pour Allah subhanahu wa ta'ala également. Recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paroles comme dans son silence. وَإِن تَحَرَّكَ فَلِلَّهِ وَإِن سَكَنَ فَلِلَّهِ S'il agit, s'il fait une action, il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il s'abstient de faire une chose, c'est pourquoi ? C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala également. وَيَحْدُثُ عَنِ الْحُبِّ الشَّوْقُ إِلَى اللَّهِ وَالْقَلَقُ فَلَا يَكَادُ صَاحِبُهُ يَسْتَقِرُ Et l'amour, il suscite en lui quoi ? Le désir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'empressement vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais également, cela suscite en lui quoi ? L'angoisse. Et donc, son auteur, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dans cette situation, tu ne le trouveras jamais dans la stabilité. Pourquoi ? Car tellement il aime Allah subhanahu wa ta'ala, et tellement il souhaite se rapprocher de lui, qu'il est dans l'angoisse de ne pas réussir à atteindre cet objectif. Et on revient donc à quoi ? On revient à la peur et l'espoir. Tellement il aime Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a peur de ne pas atteindre ce qu'il aime. Il a peur de ne pas réussir à atteindre ce qu'il aime, et ceci suscite en lui de l'angoisse. Il dit ensuite, rahimahullah, وَإِنْ قِيلَ فَهَلِّ الْمَحَبَّةِ أَلَّتِي يَأَعْلَى الْمَرَاتِبِ مِنْ وَسِيلَةٍ وَسَبَبِ Et si on demande, c'est-à-dire si une personne demande, est-ce qu'il y a un moyen ou une cause afin d'atteindre ce degré qui est le plus haut des degrés, c'est-à-dire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, قِيلَ, donc on lui dira en réponse, لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ مَطْلَبًا إِلَّا جَعَلَ لِحُصُولِهِ سَبَبًا Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fixé un but sans en donner une cause afin de pouvoir atteindre ce but. Il dit فَمِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِهَا الْإِنْكِفَافِ عَنْ كُلِّ قَاطِعٍ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْأَفْكَارِ الرَّدِيَّةِ وَالْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Il dit donc parmi les plus grandes causes afin d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le fait de te détacher de tout ce qui détourne de cela, de tout ce qui détourne de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme parole, acte et pensée malsaine. Toute parole, toute action, toute pensée qui est malsaine et qui éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et détache ton cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire des efforts pour t'en détacher et t'en éloigner. Il dit ensuite, وَالْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ بِحُضُورِ قَلْبٍ. Il dit, et le fait de multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais comment? Avec un cœur présent. Car multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue, c'est simple. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mais combien sont ceux qui font cela d'un cœur présent, qui méditent lorsqu'il dit Allahu Akbar? Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand. Il est plus grand que toute chose, et ainsi de suite, avec les autres formes de dhikr, comme subhanallah, alhamdulillah. Tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala d'un cœur présent. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَتَدَبُّرُ كَلَامِهِ الْكَرِيمِ, et la méditation de sa noble parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran. وَمُطَالَعَةُ نِعَمِهِ الْعَظِيمَ عَلَى الْعَبْدِ, et le fait de méditer, de regarder les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés au serviteur. وَبِالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِحُضُورِ قَلْبٍ وَأَدَبٍ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ. Il dit également le fait de se stationner devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur présent, c'est-à-dire lorsque tu pries, que ton cœur soit présent et que tu adoptes les bienséances relatives à cette station devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te comportes de la bonne manière. Et il dit également وَمُجَالَسَةُ الْمُحِبِّينَ, et le fait de fréquenter ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est important. Comment veux-tu aimer Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu passes tes journées avec des gens qui te détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ceci n'est pas possible. Tu ne pourras pas atteindre ce degré si ce n'est en fréquentant les gens qui l'ont atteint ou qui essayent de l'atteindre tout comme toi, qui sont sur le même chemin que toi et qui souhaitent emprunter ce chemin et le suivre. Il dit « Wa mujanabatu kulli qati'a » et le fait de t'écarter de tout ce qui détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Faman fa'ala dhalika nala mahabbat Allahi » Inch'Allah, Wallahu al-Musta'an. Il dit, et celui qui fait cela, il atteindra l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, et c'est d'Allah que l'on implore l'aide. Ensuite, il dit, وَلِهَذَا قُلْتُ وَهُمُ الَّذِينَ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِهِ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ وَالْأَحْيَانِ. Et ils sont ceux qui font son rappel abondamment, en secret et en public, et à chaque moment. Et on verra l'explication de ce vers lors de notre prochain cours, demain, Inch'Allah ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا فيكم بارك الله